Bonjour à chacun. Donc, je vous salue à partir du bâtiment de l'église de Val-d'Or. Et je suis assis à un endroit où est-ce que c'est là qu'on mange, c'est là qu'on prend nos soupes du dimanche midi. Et on est samedi après-midi, c'est le 13 mars. Et vu que j'avais du temps disponible, j'ai décidé d'aller masser à la chapelle et de pouvoir faire peut-être une vidéo ou deux. Vous remarquez que j'ai mon manteau sur le dos et vous vous demandez peut-être pourquoi. C'est parce que le bâtiment n'est pas chauffé sur semaine. Donc, je garde mon petit manteau. Donc, on va, si vous voulez bien, prendre le temps de lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, jusqu'au verset, à partir du verset 22 jusqu'à 36. Jean 3, verset 22 jusqu'à 36. Je vais prendre le temps, si vous voulez bien, de prier avant de commencer. Notre Père du ciel, tu es un grand Dieu, et tu es le Dieu de toute éternité, tu es le Dieu de toute la planète, de tout l'univers, qu'on soit à Victo, à Val-d'Or, à Moss, qu'on soit à Montréal, à Laval, qu'on soit à Victoriaville, qu'on soit à Chesterville, qu'on soit à Lambton, qu'on soit à Québec. Tu es partout et tu es toujours près de nous et en nous. Et on veut s'arrêter encore une fois pour regarder un épisode de la vie de Jean-Baptiste qui va nous parler de toi, qui va nous dire quelque chose à ton sujet. Mais encore une fois, je le répète, mais nous savons très bien que derrière Jean-Baptiste, c'est toi qui veux se révéler à nous par ce texte. Nous avons besoin de ton Esprit Saint, cet Esprit Saint qui habite dans tes enfants, et nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien comprendre de ta parole. Donc, élimine-nous afin qu'on soit des disciples pleins de louanges, pleins d'adoration, et pleins d'amour, et pleins de service pour toi. Amen. Verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui est avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie est la mienne, elle est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, et celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ceci se passe après la rencontre de Jésus avec Nicodème. Et on a vu au verset 25 qu'il y a une dispute ou un dialogue entre un disciple de Jean et un juif par rapport à la purification, par rapport au baptême. Je crois que c'est ça que le mot purification veut dire ici. Et là, ils ont demandé à Jean, Jean, le gars que tu nous as dit de suivre, c'est rendu qu'il fait plus de disciples que toi et il baptise plus de monde que toi. Et Jean va répondre. Il dit au verset 27, je vous l'ai dit, je ne suis pas le Christ. J'ai été envoyé devant lui. Je suis seulement que l'époux ou l'ami de l'époux. Je ne suis pas l'époux. Et il dit, mais l'ami se réjouit de voir que l'époux rencontre son épouse. Il dit, moi, ma joie est parfaite de savoir que plus de monde qui le suit, lui, plus de monde qui se font baptiser par lui ou ses disciples, ça me réjouit. Parce qu'une chose doit arriver, c'est que lui doit croître en popularité, il doit croître en gloire, et moi je dois diminuer, moi je dois disparaître. Toute la place doit lui revenir. Et il va expliquer pourquoi. Donc, je relis le verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Et mes frères et sœurs, je vous encourage à dire avec Jean-Baptiste, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Il faut de plus en plus qu'il prenne la place. Celui qui vient d'en haut, ça c'est la première raison. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il croisse et que moi je diminue, Jean qui dit ça? Il dit « Parce que lui vient d'en haut. » Et moi, je viens de la terre. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Et celui qui est de la terre est de la terre. Il dit, moi, je parle comme venant de la terre. Ce que j'ai à vous dire, je vous l'ai dit comme étant quelqu'un qui est un humain. Mais lui, il vient du ciel. Il est au-dessus de tous. Oh, oh, oh, toute une déclaration. Dans le chapitre 3, à Nicodème, c'est Jésus qui dit, je suis d'en haut, moi. Ici, c'est Jean-Baptiste qui le dit. Lui, il vient d'en haut, il vient du ciel, il est au-dessus de tous. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Il dit, lui, il vient d'en haut, et c'est le Père qui l'a envoyé. Il dit, et le Père, il dit au verset 34, et le Père lui donne l'Esprit sans mesure. Et l'Esprit de Dieu est avec lui d'une façon sans mesure. Si l'Esprit de Dieu est en lui sans mesure, et que lui vient d'en haut, et que c'est le Père qui l'a envoyé, on voit là une belle pensée pour la Trinité. Pourquoi est-ce qu'il est au-dessus de moi? Pourquoi est-ce que moi, je me suis mis, vous vous êtes mis, vous les frères et sœurs, on s'est mis sous lui, on est maintenant ses serviteurs, on est maintenant ses enfants, il est au-dessus de nous. Il est au-dessus de tout être humain. Il est au-dessus de tous les êtres humains. Ça veut dire qu'il a autorité. Le Père lui a donné toute autorité. Et lui, en tant que fils, il a toute autorité. Et lui, il a l'esprit sans mesure. Donc, c'est normal que tout le monde veut aller à lui. C'est normal. Et pourquoi est-ce que vous devez le suivre et non pas me suivre? Il dit qu'au verset 35, le Père a remis toutes choses entre ses mains. Et au verset 36, celui qui croit au Fils a la vie, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean, dis-moi, si vous avez de la misère avec moi, si vous avez de la misère avec mon enseignement, ça peut aller. Mais si vous ne croyez pas ce que lui va dire, la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Mais si vous croyez ce que lui va dire, ce que lui va faire, vous avez la vie éternelle. Aucun homme ne peut dire ça. Et moi, je ne peux pas dire ça d'aucun homme. Pourquoi est-ce que toutes ces paroles à lui sont vraies? Pourquoi est-ce que lui, si je crois en lui, si je l'écoute, si je mets ma foi en lui, j'ai la vie éternelle? C'est parce qu'il vient d'en haut. Avant de naître sur la terre, il était dans la présence de Dieu, il était avec le Père, il était avec le Saint-Esprit. Il est descendu sur la terre pour nous sauver. Vous savez, il y a un chant qu'on chante depuis, je pense, une couple d'années maintenant, qui me chicote un petit peu. Et c'est le chant qui s'intitule « Au-dessus de tout ». Au-dessus des nations, au-dessus des princes, au-dessus des rois, au-dessus des royaumes. Puis dans ce chant-là, on dit que Dieu nous aime ou que Jésus nous aime par-dessus tout. Je ne suis pas sûr que c'est vrai, ça. Que Jésus nous aime par-dessus tout. Jésus aime son Père par-dessus tout. Ici, il y a une chose qui me frappe depuis quelques années. C'est ce qu'au verset 35, c'est marqué « Le Père aime le Fils ». Et ailleurs, je pourrais vous montrer que le Fils aime le Père. Il aime tellement le Père qu'il vient sur la terre. Il accepte d'être envoyé volontairement. Il vient afin de sauver un peuple, afin de vous sauver, vous et moi, pour qu'on puisse servir le Père et adorer le Père. C'est ça la raison d'être de sa venue. C'est pour ça qu'il s'est humilié et devenu un être humain. Il s'est abaissé jusqu'à la mort à la croix. Ce n'est pas juste pour que nous, on soit sauvés. C'est pour qu'on soit sauvés et servir le Père. C'est pour qu'on puisse être sauvés et glorifier le Père pour l'éternité. Donc, en acceptant le Fils, on s'est mis sous lui. Lui a augmenté et nous, on a diminué. Lui a pris la place de Dieu, de Créateur, de Maître, de Seigneur. Et nous avons pris le rôle de serviteur. Que le Seigneur puisse nous aider à vivre ainsi aujourd'hui. Notre Père du ciel, nous te remercions. Nous te remercions qu'à travers la bouche de Jean-Baptiste, tu nous dis encore une fois, « Je suis au-dessus de tout ». Je suis avec le Père et je suis avec l'Esprit. Et quiconque croit en moi passe de la mort à la vie, passe de la colère à l'amour. Seigneur, nous avons pris notre place lorsque nous t'avons accepté. Nous avons pris notre place de créature. Nous avons pris notre place de serviteur et c'est ainsi que nous voulons vivre aujourd'hui avec nos épouses, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs. Nous voulons prendre notre place. Puisses-tu, Seigneur, nous donner la grâce par ton Esprit Saint. Amen.